Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Comme chaque semaine, on va se marrer avec nos équipes permanentes. À ma droite, il a connu la plupart des coiffeurs des stars c'est des vrai. Années 60. Ça, c'est vrai. Ah, des, oui, Sylvie Vartan, Dalida, Hervé Villard. Hervé Villard, toutes les grandes chanteuses des années 60. C'est Gégé. Ah, salut Gégé. Il n'a pas pu connaître celles des années 40 puisqu'elles ont toutes été tondues à la libération. Ben, si, reste Maurice. Si, comme Maurice. Quand on lui parle du gouffre de pas d'Irak, il pense tout de suite à sa femme parce que c'est ça vrai. Lui rappelle des souvenirs. C'est Bob du club. Ouais. Eh, je n'écoute pas. Écoute pas, c'est méchant. C'est à cause de quoi? De la profondeur du trou ou l'eau qui est en bas? Les deux, mon capitaine. Il prépare son grand retour sur scène avec sa pièce La Partouze. Ah oui, enfin, c'est pas ma pièce. Enfin, la pièce dans laquelle pièce tu joues. De Val, ah oui. Oh, mais elle te va si. Jeune et faible dans la pièce. Ah oui. Faut aller la voir. Ah oui. C'est Frédéric Coster. Ah, mais il est venu en fin de compte. Il est là. Mission sera réalisée comme chaque semaine par Davy. Ah, excellent. Donc nous fêtons joyeux cette année l'anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Davy. Joyeux anniversaire. Alors. Et cette émission donc sera animée par Philippe Bello. Ah, ah, ça va être bien alors, forcément. Alors, comme chaque semaine, Frédéric, un invité. Et c'est un invité qui revient nous voir. Ah oui. Et oui, je suis là. C'est Marco Panzani. Ah, ouais. Bonsoir à tous. On est content de l'avoir, Marco. Très heureux de vous retrouver. Hein. Ça fait quoi? Ça fait un an, grosso modo, que tu étais venu nous voir. Un an, ouais. Presque un an. Je comptais revenir. C'était en janvier, je pense. C'était en janvier. Ouais, après les fêtes. Là, on commence les fêtes. Voilà. Bah, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on commence déjà. T'as fait tes courses, Bob, pour les fêtes? Ah oui, ça y est. Oui. Ah bah il a déjà la dinde, il s'est marié avec. Bah ça fait 10 ans qu'il la fourre. Hein. Bon, j'aurais pas osé. Non, non, non, mais on coupera au non, non, mais c'est parce que nous on connaît sa femme. Ah mais moi je parlais pas de sa femme. Il y a parce que ça fait plus longtemps que ça. Alors, cher Marco, donc toujours les sketchs. Toujours les sketchs, ouais, qui passent. En radio même, et ça passe à la radio aussi. Ben oui, heureusement, une radio concurrente. Qui, et puis des spectacles en province aussi avec. Oui, j'ai quelques dates en province et voilà, mais pas sur Paris quoi. Pas, eh ben, c'est très bien, tant mieux. On espère le retour sur Paris bientôt. Tant mieux. Alors j'espère aussi. Oui. Toute l'actualité, bien sûr, c'est sur Internet. C'est sur mon site internet marcopanzani.com. Voilà. Alors comme vous l'avez compris, Marco donc vient de du Nord. Oui, hein, voilà. Voilà, il est du Nord, oui. Sud de Paris. Alors on aura des extraits du spectacle. Voilà un petit extrait, ouais, un petit extrait tout à l'heure, du spectacle, hein, évidemment. Alors tu connais l'émission. Alors tu vas voir, il y a plein de nouveautés dans l'émission. Il y a plus de jeux qu'avant. Il y a plus de il y a plus de jeux. Il y a plus de choses en fait. Tu vois, ça, il y a des épreuves comme avant. C'est pas une télo, j'espère. C'est toujours une épreuve. Cette émission. Et la première épreuve, c'est toujours la même. C'est le baptême de l'équipe adverse. Alors d'ailleurs, je ne comprends même pas. C'est la deuxième fois que tu viens et c'est la deuxième fois que quand tu viens, il manque Maurice. C'est vrai. Hein, il a peur, hein. C'est pas je pourquoi. Pense qu'il a peur. Il a peur. Il a avoir peur. Ouais, alors, ouais. Est-ce que on peut chance. Solliciter Bob et Gérard? Bob pour... et Gérard. Ah, quel duo. sont dans un bateau et baptisent l'équipe de Marco Panzani et Fred. Ah. Je n'ai pas suivi, excuse-moi. Et Marco Panzani? Et Fred. D'accord. Et Frédéric Coster. Sur le même bateau, alors. On va ensemble, on fait équipe tous les deux. On va les appeler les Chitomis. Ah, les Chitomis. Les Chitomis. Oui, bon. Les Chitomis, peut-être. Oui. Ou Chitomis, comme tout le sens. Moi, j'ai noté Chitomis. Hein. Oui, c'est bien Chitomis. Ça ne veut rien dire. Il faut que tu donnes un nom. Il faut donner un nom. Voilà, Chitomis du Sud. Alors, t'as raison, tu devrais rallonger encore, comme ça, quand on va les appeler. Non, mais c'est Fred. C'est plus compliqué. Non, c'est Philippe. Maurice, c'est Philippe. Qui... Oui, merci. Hein. Bon. Merci, non, je vous remercie. C'est quoi le contrat des ch'tis, des ch'tis aide-moi. Parce que les méridionaux. Les méridionaux. Ils n'ont pas été des méridionaux. Non, moi j'aurais dit les emboucaneuses éventuellement, mais. Les cagoles. Les vieilles cagoles. Je te laisse mettre. Les vieilles cagoles. Alors, les vieilles cagoles. Bolchevique. Donc, alors, les vieilles cagoles contre les Chitomis, voici la première question. vous connaissez tous la marque Hugo Boss. Oh, oui. Oui. Elle est très connue, oui. Et à votre avis, elle date de quand et pourquoi? Et voilà, elle était donc elle date depuis assez longtemps. Ah, déjà. De très longtemps, oui, oui. Ouais, mais je crois, c'est pas Jacques Lang qui s'habillait en Hugo Boss. Ah, c'est possible. Non, il s'est habillé en Thierry Mugler. Il ne sait pas l'origine. C'était Thierry Mugler. Hugo. Non, mais aussi. Ça mais date des années de guerre. Oui. Voilà. C'était parce que c'était fait avec les rebuts de les surplus de tissus. Non. Ça a quelque chose à voir avec le patron. C'est les boys qui étaient habillés avec. Les boys. Non. Ça a rapport avec les Allemands. Oui. Ah. Avec les Allemands. Oui. C'est allemand. C'était l'usine qui fabriquait les uniformes allemands. Bonne réponse de Frédéric Coster. Bravo. Bob qui l'a bien aidé quand même. Ben oui, mais Hugo Boss. C'est lui qui a trouvé. Donc Ingrid, votre mari, je crois, ça m'a aidé. C'est mon grand-père qui était dans l'usine parce qu'il avait un ouvrier italien qui s'appelait Hugo et qui ne travaillait pas assez. Alors il disait Hugo Boss. Quand je pense que t'as été zappé dans l'émission de Ruquier. Ah non, c'est pas moi. Ah non, c'est pas moi. Alors, je sais pas si tu te souviens la dernière fois que tu es venu, mais Maurice n'était pas là. Il était toujours pas là. Et est-ce que tu te souviens on avait essayé de le joindre parce qu'il avait une blague. Est-ce que tu te souviens de cette blague? Vaguement, ouais. Ça te dit quelque chose d'actualité. Oui, oui. Enfin, on va lui en faire raconter une autre. il en a une nouvelle, hein, mais. C'est un truc qu'il n'arrivait pas à dire. À l'époque, je sais pas si tu te souviens, c'était le zébu. Il n'arrivait pas à dire, c'est ça. L'histoire du zébu, tu te rappelles pas de ça? Zébu, zébu, soif. Oui, exactement, zébu, zébu, soif. Et on a encore les archives. Alors, Maurice, on est en pleine tournée de blagues. Notre invité. Mais si. Alors, notre invité Marco Panzani s'est déplacé exprès du Triomphe à Paris. Pour avoir la fabuleuse blague du zébu. Ah oui. Mais la blague du zébu, je ne l'ai pas parce que là, je suis en voiture, mes amis. Bah, elle est facile, la blague du zébu. Il n'y a pas besoin de notes. Jamais eu ça, oui. Ah ouais, si. Ça, quel est le... Je ne sais même plus les paroles, là, déjà, encore. Ah bah, dis-nous la musique, alors. Bien vu, hein. C'est bien pour ça que je ne me rappelle pas des paroles. Alors, quel animal Quel est l'animal qui n'a jamais... Qui boit beaucoup, non, c'est ça? Mais non, mais non, justement, c'est l'inverse. Ah, quel est l'animal qui ne boit pas beaucoup? Voilà. Alors, on sait pas. Quel animal? C'est le zébu. Ah, et pourquoi? Eh ben, ça, le zébu, quand... quand j'ai bu... Non. Ben, voilà. Non, pas quand j'ai. Bon, tant pis. Ah bah c'est bien la peine de payer du téléphone depuis Los Angeles pour entendre ça, hein. Oui, non, mais ça je m'en fous, ça c'est la station qui paye. Et voilà. Alors, alors Marco, comme Maurice n'est pas là ce soir, oui. Je propose tout à l'heure que nous l'appelions pour qu'il te raconte. Ah, oui. Sa blague crue 2010. Ah oui, c'est une nouvelle blague. Il a une nouvelle blague. J'ai hâte. Il en a plusieurs, mais il en a une particulièrement croustillante. Et il ne le sait pas, bien sûr, qu'on va l'appeler. Elle est aussi développée que celle-là, quoi. Voilà. Donc voilà, on reçoit des lettres d'insultes chaque semaine parce que les gens pensent qu'il le fait exprès. Ah ouais. mais non. Oui. Non. On a une lettre. Qui le certifie d'une lettre du docteur Poussin de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, voilà. Et qui certifie qu'il est sain d'esprit et qu'il ne le fait pas exprès. Voilà. Alors dans quelques instants, il va falloir faire concurrence à Maurice, car nous allons entamer la première tournée de blagues et toujours et sans, comment sans changer d'huile. Non, et toujours avec Marco Panzani, ah, oui. Voilà, qui nous fera une blague méridionale, on l'espère, juste après la pause. Restez avec nous. On va se marrer avec Marco Panzani. Ouais. Alors, Marco, on le disait. Le public n'est pas très participatif. Ah, ce soir, dedans, ils sont. Bah, forcément, Davy a amené du champagne. Alors, tout le monde est en train de picoler le champagne. Bah, voilà, bravo, hein, le public. Il y en a deux qui sont en train de se bouffer le foie gras. Et, ah bon? Tant que c'est le foie gras. Alors, on le disait avant l'émission, oui. Vous faites régulièrement des plateaux. D'ailleurs, vous êtes vu il n'y a pas longtemps avec Frédéric. Ah, ben, on a joué il n'y a pas longtemps dans le. À Montlignon, hein. À Montlignon, dans le Val d'Oise. Voilà, c'est sympa les plateaux d'artistes comme ça. Ah, c'est très. Comment ça se passe alors? Parce qu'il y a souvent des organisateurs qui nous écoutent aussi en province et qui ont envie d'organiser. Comment ça se passe? On vous contacte individuellement? Vous avez une agence? Il y a une personne qui s'occupe de ça, qui veut faire des plateaux, d'organiser des plateaux. Hein. Oui. Notre ami Sébastien Joël. Sébastien Joël, voilà, très bien. Vous le contactez sur son site, Sébastien Joël. De notre part, hein, comme ça, il nous prend à nous, quoi. Ouais, bah oui, quand même, tant qu'à faire, oui. De préférence. Oui, je veux, mais avec Frédéric Oster. C'est inclus dans le pack. Et Marco Panzani. Voilà. Alors, Marco, par contre, toi, ton one man, parce que t'es un one man à toi aussi, en dehors des plateaux. Ton one man, c'est la vie de tous les jours, c'est la vie d'un méridional, c'est non, qu'est-ce c'est, que ça raconte? C'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours avec des faits de société, comme on va dire un huissier, un pharmacien. Donc c'est plusieurs personnages avec qui dans la vie de tous les jours. Quoi. Et aussi des sketchs où je m'adresse au public aussi. Voilà, comme on dit le fameux stand-up. D'accord. Mais c'est il faut faut les faire participer. Mais c'est peu. Tout pour moi. Hein. D'accord. Je sais qu'il aime bien ça. Oui. J'adore. Alors, ben là, justement, on va te faire participer, puisque voici, on nous l'impose, la première tournée de blagues. Ah. Ah. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, GG. Oui. Maman, grand-mère m'a mordu. C'est bien fait. Je te l'avais bien dit de ne pas t'approcher de la cage. Maître quoi? Kong. Ah, Kong. Si tu choisis incinération, sache que ce sera ta dernière cuite. Elle est pas finie. Tandis qu'en Thierry, tu auras toujours la chance d'avoir un petit verre dans le nez. Venant de GG, c'est un compliment. Alors. C'est dans un avion d'Air France qui atteint son altitude de croisière. Il y a le commandant de bord qui branche le micro, qui s'adresse aux passagers. Mesdames, messieurs, ici votre commandant de bord. Moi, j'entends ça, je descends. nous avons atteint notre altitude de croisière qui est de 12 000 mètres d'altitude. La température extérieure est de moins 60 degrés, mais elle est maintenue à l'intérieur de l'appareil à plus 23 degrés pour votre confort. Et voilà, merci. C'est Maurice qui conduit l'avion. C'est Maurice, oui. Et malencontreusement, il oublie de déconnecter le micro. Il continue à s'adresser à son copilote. Eh, dis donc, Roger, dis donc, tu continues tout seul à piloter parce que moi, je vais pisser un coup et après, je vais me taper la petite hôtesse qui vient d'arriver là, la semaine dernière. Oh, elle est bonne, hein, je te dis pas, elle est bonne, elle s'est tapée toute la compagnie. Hein. Alors, dans l'avion, l'hôtesse, elle entend ça, elle en peut plus, elle est au fond de l'avion, alors elle commence à courir dans les couloirs de l'avion pour remonter, pour aller lui dire d'éteindre son micro. Puis il y a un pépé qui dit, mademoiselle, doucement, vous avez le temps. Il a dit qu'il allait d'abord aux toilettes. Je ne le connaissais pas. C'est la première fois qu'on l'entend. Ouais. Alors, ça se passe à un congrès de féministes. Et donc, les femmes échangent leur expérience. Et il y en a une qui dit « Moi, j'ai dit à mon mari… » C'est pas Brigitte ? Comment ? Non. « Moi, j'ai dit à mon mari, j'arrête de faire la lessive. J'en ai ras-le-bol. Tu fous tes affaires n'importe où. Je fais plus la lessive, tu te démerdes. » Alors, le premier jour, j'ai rien vu. Le deuxième jour, j'ai rien vu. Le troisième jour, hop, le tas de linge était plus là. Il avait fait les lessives et tout. Oh, bah, toutes les autres, bravo. La deuxième a dit, moi, j'ai fait pareil. Moi, j'ai dit à mon mari, je repasse plus tes affaires, j'en ai marre. Tu te débrouilles. Alors, le premier jour, j'ai rien vu. Le deuxième jour, j'ai rien vu. Et le troisième jour, hop, je suis rentré, il est en train de repasser ses chemises. Oh, bravo. Allez, il y a Aïcha qui dit, moi, c'est pareil. J'ai dit à mon mari, j'y fais plus la cuisine. J'en ai ras-le-bol, tu te démerdes, j'y fais plus la cuisine. Le premier jour, j'ai rien vu. Le deuxième jour, j'ai rien vu. Le troisième jour, j'arrivais un peu à ouvrir l'œil gauche. Ah, c'est là aussi, c'est la première Une fois blague qui nous a été envoyée anonymement par Marine. Ah oui. Ah oui. Alors, ouais, Marco Panzani. Ouais, je sais pas si je vais l'assumer, mais bon, on va voir. Hein, donc, assume. Bon, d'accord. Oh, d'accord. Donc, c'est deux poivrons qui discutent dans un bar vieux miteux. Non, pas forcément. Non. Non, vous allez voir. Non, parce que Frédéric est en train de monter du doigt Bob et GG. On te pisse à l'arrêt, Frédéric Oster. Attends la suite, deux poivrons, donc c'est de, qui discute dans un petit bar miteux de quartier, et il dit à son pote, ouais, putain, et ma femme, ça va pas, elle me touche plus rien, plus de gâteries, tout ça, puis j'adore les gâteries, tout ça. Alors son pote, il dit, mais non, mais moi, je connais un truc imparable pour les gâteries, tu prends du Nutella, et tu le badigeonnes ton sexe de Nutella, tu vas voir, c'est imparable, les femmes, elles adorent ça. Donc le lendemain, il se retrouve au bar et donc il dit, alors ça marchait avec ta femme, le Nutella? Ah, m'en parle pas, ça n'a pas marché, ma femme, ça marche pas. Par contre, les enfants, ils sont régalés. Hein. Oh pardon. Oh là là. Pardon, excusez-moi. Hein. C'est bien du trou, il est bien d'où tu habites. Ça, donc, avec l'accent, ça passe. Oui, ça passe. Oui, c'est poétique. Oui, oh, pas, attends, pas de procès, s'il vous plaît. Hein. Alors, on en parlait tout à l'heure. Maurice, qu'on va appeler dans quelques instants en direct. Mais d'ailleurs, quelle heure est-il? Ben, on pourrait peut-être tenter de le joindre. C'est peut-être pas con d'essayer de le joindre. Mais il est cuit à ce temps-là, Fifi. Non, je pense que ça serait pas bête d'essayer de le joindre. Immédiatement. Maurice. En direct. Non, parce qu'on a quand même une blague importante à lui faire raconter. Ah, alors. Est-ce que Maurice va répondre au téléphone? Allô, Maurice? Oui, comment ça va? Ah, ben voilà, nous sommes en direct avec Marco Panzani. Ouais, qui est revenu nous voir cette semaine. Et qui regrette beaucoup que tu ne sois pas là. Eh ben là, je suis sur la route, je suis en retour là. Hein. Ah donc ça veut dire que tu vas peut-être, arriver avant la fin. Bah, si j'arrive avant la fin, je vous passe un petit coup de fil pour pouvoir rentrer au studio. Ah alors au cas où tu ne pourrais pas arriver avant la fin de l'émission, on a parlé à Marco d'une fabuleuse blague, une nouvelle blague dont tu as le secret. C'est E.T. Ah et voilà. E.T. Bah on t'écoute. On t'écoute alors. Ah, alors ça c'est E.T. qui va dîner chez sa mère et il dit à sa mère, Thérèse, même dans la voiture. Non, voilà, c'est E.T. qui va dîner chez sa mère et il lui dit. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Parce que là, ça se rend compte, hein. Il y a Bob qui rigole. Ils sont extraterrestres. Il lui dit quoi? Ils sont extraterrestres. Ah oui! Voilà. Et voilà, même en conduisant, je peux vous parler. Là. Voilà, c'est parfait. Et donc là, la maman araignée, peut-être, pour faire le doublet? Ah. Ah, alors ça, je me rappelle pas, là. Ah. Oui, ça, c'est la mousse au chocolat, là, oui. Voilà, c'est ça. Ça, je vous la ferai au studio, ça. Ah, d'accord, oui. Eh bien, on applaudit Maurice. Bravo, Maurice. Voilà, et on remercie. Ben alors, on te dit à tout à l'heure. Si tout roule bien, je mets le gyrophare et j'arrive. Très bien. On va mettre la tête dehors, ça suffira. Allez, à plus. Bon, merci, Maurice. Alors oui, la femme... Il est toujours dans sa voiture, lui. Il est toujours dans sa voiture. Il est dans sa voiture, là, encore. Là, ouais. Ben, il est toujours en voiture, d'ailleurs. Il n'y a pas de maison, quoi. Non. Et alors, la fameuse... toujours en voiture, Simone. La fameuse blague que Maurice nous a pas fait en voiture, on l'a en archive et on veut quand même t'en faire profiter, Marco. Une histoire qu'il a fait la semaine dernière. Ah, oui. Ça, on l'a écrit en gros sur une feuille, hein, pour être sûr qu'il lise bien. Ariel 18. Alors, Maurice. T'as bien mangé? Ah non, mais fais depuis le début, quand même. La maman araignée qui dit à son bébé, oui. T'as bien mangé, je te sers un dessert. C'est une mousse au chocolat. Mais non. Mais ça ne veut rien dire. Il y a des chips sur sa feuille, il n'arrive pas à lire. C'est mais tout. Ça ne veut rien dire, Maurice. Si tu dis une mousse au chocolat, c'est pas drôle. Ça ne veut rien dire. Une mouche au chocolat. Ouais, ferme ta bouche. Non, mais c'est pas vrai. Une mouche au chocolat. Sacré Maurice. Ah, il est inimitable, en fait. Hein. Ah bah non. Ah si, quand même. Bon, alors dans quelques instants, oui. C'est pas tout ça, mais nous allons avoir voilà, le premier jeu de la soirée. Pour des points, et ça sera un jeu que Frédéric affectionne tout particulièrement, puisque c'est l'épreuve du trivial, Frédéric. Donc, le trivial, juste après la pause, et toujours avec Marco Panzani. Alors, retourne, on va se marrer avec Marco Panzani. Yeah. Marco, en dehors de faire du spectacle et les one man, on a l'habitude de te voir nous aussi dans les pubs. Parce qu'il n'y a pas très longtemps. Oui, je fais pas mal de pubs, ouais. La dernière fois, on t'avait vu dans la pub de la banque, hein, c'est ça, Fred? La banque, il faisait le monsieur qui réparait le sas. C'est oui. Ça. Ouais, pour le. Voilà. Voilà, donc j'ai fait la pub de Canal Plus aussi, plusieurs pubs qui sont toutes visibles sur mon site internet si vous voulez voir. Hein, donc, ah oui. Ouais, avec plusieurs... MarcoPanzani.com. MarcoPanzani.com, ouais. Donc. Et là, récemment, là, il y a la pub, il y a une nouvelle pub qui tourne. Là, une pub avec Bruno Solo, oui. Une pub pour le poker. Pour le poker, ouais, pour le site un poker. Il y a beaucoup de pubs. T'es joueur vraiment toi ou pas, non? Ah, j'étais un ancien joueur. Ouais. Ah oui. Ouais, j'ai arrêté. Ah. Ça tombe mal parce que là on a un jeu là, donc il va falloir que tu joues. Ouais, mais ça va. Ça va. On joue pas d'argent. Ça va. On joue pas là, on n'est pas payé. Ouais. Ah, c'est pas payé. Adine. Oui. J'ai amené un rib moi. Ouais, mais là le souci c'est que. Je vais te le mettre en boucle d'oreille. Le problème c'est que il y a pas d'argent, mais par contre il y a des mauvais joueurs. Ah oui, il y a un mauvais joueur. Non, pas du tout. Ah, puis on boit du champagne. Quand oui, même. Quand même. Ah oui, tu vois, la production a eu. Il y a un mauvais joueur, c'est Bob. Oui. Non. J'ai tiré au hasard deux cartes dans la boîte du Trivial ici présent. Ah, c'est le vrai Trivial. Hein. Le vrai Trivial 1985. Je précise. J'ai donc deux cartes et je propose à Bob de choisir. Non, Marco va choisir. Ah bon, tu feras aucune réclame. On peut plus choisir parce que comme tu triches, allez hop. Non, parce que Bob après réclame quand mais il. Mais après il fait des réclamations. Voilà, il dit oui, mais bon. Je m'empêcherai pas de réclamer. Oui, alors Marco, la carte de la main gauche ou la carte de la main droite? Pff, ça c'est pas la gauche. Hein. Oui, la gauche. Ouais, voici la première carte pour l'équipe des vieilles canons, pour l'équipe des Chitimi. Oui. Attention. Allez. C'est parti. Oui. Quelle est la capitale de l'Islande? Pardon? Vas-y. Reykjavik? Oui, il a raison, oui, Reykjavik. Reykjavik. C'est correct. Ah, il dit pas les réponses. Ouais, c'est correct. C'est ça. Qui était le deuxième mari de Brigitte Bardot? Oui, parce qu'il faut qu'on se concentre. Alors, le premier mari, c'était Roger Vadim. Ouais, c'est le premier, donc, c'était le premier. Donc, le deuxième, ça doit être. Gainsbourg? Non, Jacques Charrier, ça doit être Jacques Charrier. Oui, mais elle était mariée à Gainsbourg ou pas? Non, elle a fricoté. Le deuxième mari. Hein. Oui, le deuxième mari. Moi, je vais dire Jacques Charrier. C'est oui, correct. Exact. Bravo. Quel premier ministre britannique était à la tribune quand Nikita Khrouchtchev frappa la table avec sa chaussure? À quelle heure? J'ai pas la précision. Non, c'est dur. Qui c'est qui était premier ministre dans les. Franchement. Macmillan? Bon, on cherche de cartes finalement. Tu sais pas? Non, pas du tout. Au hasard, Macmillan. C'est correct. Dans quelle rue? Alors je vous promets, c'est au hasard. La bouche ensemble. Attendez, vous aviez qu'à choisir la carte, Bob. Ah, ouais, mais tu lui donnes les réponses de toutes les cartes. Oh bah attends, il y a 500 cartes. Bah, ils ont pris par cœur, hein. Dans quelle rue de Paris oui. habite Athos dans les Trois Mousquetaires? Athos habite dans une rue de oui, Paris. Bah ça, oui. Athos. Et je demande. Tu m'aurais dit Porthos, tu aurais dit rue de Lisbonne, mais. Athos. Moi, j'en sais rien du tout. Rue de la Ferronnerie. Allez. Non. Est-ce que vous avez la bonne réponse? Rue du Paradis. C'est ce que j'allais dire. Ah bon? Non, parce qu'à l'époque, je vais te dire, c'était le Paris, c'était le 3e, le 4e arrondissement. C'est une rue ou un boulevard? Une rue. Hein? Une rue. Une rue. Une grue. La rue de Rivoli. C'est pas rue Vieille du Temple? Alors votre réponse. Votre réponse. Rue du Temple, tout court. Ou rue du Temple, oui, peut-être rue du Temple. Voilà. On va dire ça, rue du Temple. Non, c'était la rue Férou. Ah d'accord. Ah oui, tu vois, j'avais foutu les pieds. J'osais pas le dire, moi. Alors, en dehors de Maurice, oui. Quel animal feule? Ah bah c'est le chat. Mais seulement quand il est enfermé, hein. C'est la cage au feule. Elle est bonne, celle. Ah, tu mérites ta place. Le chat, allez. Non. Non, c'est pas le chat. C'est le crocodile. Non. Puis il dit ça avec. J'aurais cru, moi. C'était le tigre. Ah, moi j'allais dire le léopard. Ouais. Bon, oui, alors, mais, qu'est-ce. Mais avec, il fait ça, mais pas par la bouche. Il fait ça par le derrière. Pourquoi? Il a le feu au cul. C'est un festival. C'est hein. pas un collègue à Ruquier, toi. C'est un festival. Ça se. Alors, qu'est-ce qu'un hard top sur une automobile? Oh, c'est facile. Ah. Hard top. Ah, mais c'est un petit. C'est un petit. Ah non, ah non, c'est un petit aileron. On n'a pas vu. ça risque pas. Hard top. Non, Maurice, j'ai dit hard top, pas vieille top. C'est un aileron sur l'arrière, c'est ça ? Sur le capot d'arrière. Perdu ! Attends. Ils ont perdu. Attends, on n'a pas dit la réponse. Si, c'est sa réponse. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il a dit. Hein ? Alors. Non, il... C'est un petit, béquet, un petit béquet arrière, un genre. Un béquet arrière, genre, ce n'est pas ça. Genre, si, genre, j'ai dit. Bah, c'est le toit qui remplace la capote, enfin le toit rigide. Ouais. Qui remplace c'est la une capote. Bonne réponse de Gérard. Eh oui. Et alors ? Eh oui. Alors, à l'issue de cette première carte, 3 pour l'équipe des Chitémis, 1 pour les vieilles cagoles. Carte des vieilles cagoles choisie par Marco, hein, par Zanini, Marco, oui. Que tu viens de changer pour en prendre une encore. Absolument pas. Bon choix, 3 points sur 5. Attention, c'est parti. Dans quelle ville trouve-t-on le parc Gorki ? Fameux parc Gorki. Oui. Fameux parc Gorki, oui. Moi, je pense à Moscou, mais... Moi, je pensais aussi en Russie, enfin là-bas, là, chez les gens à qui on parle pas, mais bon... Moscou ou Stalingrad, Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que tu dirais ? Ou peut-être en Pologne. 30 secondes. Ah, j'en sais rien, je sais pas. À Varsovie ? Je sais pas. On n'a pas jusqu'à Rochechana, hein. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on dit ? Dis ce que tu disais. Les chips. Alors, Moscou. Moscou, et c'est correct. Eh ben oui. T'as bien fait, toi. Alors justement, qui est la belle de Moscou ? La belle de Moscou, c'est dans un spectacle, c'est ça ? C'est dans un film, oui. Question dans cinéma. Un film, ça, c'est pour Fred. Très connu, la belle de Moscou. Oui. Ah oui. Oui. Tu le connais, toi ? Non. C'est l'actrice qu'il faut trouver ? Oui, très connue. Oui. Eva Gardner ? Bah, c'est pas une actrice ? Si. C'était une actrice, mais américaine. Bah, alors, africaine alors, non, elle est pas américaine. Oui, mais la belle de Moscou, c'est une comédie musicale américaine. Bon, il dit ça, Eva Gardner. Allez, Eva Gardner. Ava Gardner. Eva ou Ava ? Ava Gardner. Ava Gardner. Ava Gardner. Ava. Non, c'est pas ça, c'est à vous. Moi, j'aurais dit Sid Charis. Je connais pas. Sid Charis. Et c'est correct. Oui, mais lui, attends, il a rien à foutre, il regarde des films toute la journée. Qui était le nom, quel était le nom précédent du KGB ? Avant que ça s'appelait le KGB, dans les années 50, ça s'appelait autrement. La Stasi, c'était en Roumanie. Non, la Stasi, c'est pareil, en Allemagne de l'Est. La Stasi, c'est un homme politique. En Allemagne de l'Est. Non, je sais pas. Attends, mais il nous parle de gens qu'on déteste en mais plus. Mais c'est pas ma faute. Vous aviez qu'à choisir la carte, GG. Hein. Le KGB. Non, vous ne savez pas. Alors avant, non, Frédéric, je sais pas. Non. Vous savez peut-être. Plus. Hugo Boss. Oui, mais presque. Je l'ai su, mais je m'en rappelle plus. Oui, moi aussi, je l'ai alors, su. C'était le NKVD. Le NKVD. NKVD. Dans quel roman apparaît l'inspecteur Arkady Renko ? C'est quoi ces questions ? Super question. Voilà, je te remercie de nous faire la remarque. C'est Trivial Poursuit, c'est ça ? Il sait que Bob et moi, on va jamais au cinéma. En plus, il nous pose que des questions de cinéma. Mais non, c'est une question de la littérature. Ça, c'est de la littérature, mais pareil. Moi, je sais pas lire. Alors, c'est pas facile. Voilà. Alors, au hasard. Vas-y, répète la question. Dans quel roman apparaît l'inspecteur Arkady Renko ? Alors, si je peux vous aider, je vais vous aider quand même. Oui, pour une fois, je vais vous aider. Oui, aide-les. Je me rends compte, en fait, que cette carte est une carte thématique. Thématique ? Oui. Russe. Encore. Voilà. Et que, en fait, le titre de ce roman, on l'a déjà donné dans les réponses précédentes. Ah bah, la belle de Moscou. Oui. La belle de Moscou. On va dire ça. La belle de Moscou, oui. C'est pas celui-là. Gorki Park. C'est correct. Quoi, comment j'ai pas compris. Gorki Park. C'est quoi c'est un roman qui s'appelle Gorki Park. Ah oui, c'était la première réponse, je savais pas. Non, mais c'est son indice, moi, qui m'a aidé. Quel est le premier jour ? C'est une émission de la CGT ici. Oui, je crois. Moi, je crois aussi, oui. Quel est le premier jour de l'année astrologique ? C'est que l'année astrologique ne commence pas le 1er janvier. Vous voyez, donc, je vais appeler Valentine. C'est le 23 23 janvier. Le 30 février. Ah, je sais pas, moi non, tu me demandes parce pas. Parce que les signes ils commencent le 22 ou le 23, je sais jamais, je crois que c'est le 23. Je crois que c'est le 22. Moi, je dirais le 22. Agnières. Agnières. Trop facile. 23, alors. Alors, 23, 23 janvier. Ah, moi, je ne sais pas. Donc, le 23 janvier, ce n'est pas ça. Vous avez la réponse, peut-être ? Moi, je suis dépassé. En fait. Non. Le 22 décembre. C'était le 21 à la con qui nous fait... mars. 21 mars. Voilà. Ah, et là, alors, la dernière question. Ah, mais oui, ça commence avec le bélier. Ah, oui, avec le printemps, bien sûr, évidemment, connasse. Avec le bélier. Mais Maurice n'est pas là. Non, mais je m'insulte moi-même. Ah, bon. Ah, d'accord. Quel genre de patin le Belge Joseph Merlin inventa-t-il en 1760 ? Le patin enchanté. En mille quoi ? En 1760, il n'y a pas 50 ans. Bah patin. Le ski. Patin de ski. La galoche. Fais pas ton Maurice. Ski, patin. Patin ou un ah non, truc, c'est pas des patins. Les patins. C'est le patin à glace. Le couffin. Voilà. Exactement. Le couffin, le fameux patin couffin. Le patin à roulette. Voilà. Exactement. Voilà. C'est l'un ou l'autre. En fait. Voilà. Moi, je connais que ces deux-là. Hein. Alors, en quelle année ? En 1760. Et il s'appelait comment ? En 1760, il s'appelait Joseph. On va y aller franchement. Merlin. À roulette. Merlin. À roulette. C'est votre réponse ? Oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Ferme et définitive. Oui. Roulette. Et c'est une bonne réponse. Ah, bravo. Voilà, bravo. Bravo, Bob. Alors. Merci. Une fois de plus. Bolchevique. Alors, à l'issue de cette partie, je dois quand même annoncer une chose, c'est que les vieilles cagoles ont donc 3 points. Ah. Les chétimis, 5 points. 5. Donc, le point final est pour les chétimis. Ouais. Bravo. Dans quelques instants, nous allons faire monter sur la scène dont va se marrer Marco Panzani, ici présent. Et donc, il faut rester avec nous. On revient juste après la pause. À tout de suite. Oui. Retour, on va se marrer avec Marco Panzani. Ouais. Oh yes. Ah bah oui. Quelle ambiance, mes enfants, quelle ambiance. Alors, on va se marrer comme chaque... Mais on va se marrer, quelquefois, on a besoin de se faire soigner. On va se marrer comme. On va se marrer comme chaque semaine. Ah pardon. Mais j'ai bouffé la partie de la moitié du jeu. Enfin, faut dire que on vous l'a dit en début d'émission, c'est on fête l'anniversaire de Davy et comme c'est champagne à volonté. Oh, à volonté, faut pas exagérer, mais il y a champagne. Et donc je disais, on est obligé, et souvent d'ailleurs quand on fait des excès, on est obligé d'aller voir un médecin, n'est-ce pas Marco ? Ah mais justement, oui. Merci de me lancer à cette perche. Non, parce que justement, je suis allé voir dernièrement. Oui. Un spécialiste pour mon problème de poids. Hein. Ah, parce que j'ai un petit problème de poids. Ah, tu vas nous en parler alors. Ouais. Et il me dit, faut maigrir, monsieur Panzani, faut maigrir. Hein. Bah, oui. J'y avais pas pensé. Oh. Ah, pour des conneries comme ça, finalement, j'ai dit, autant aller chez mon généraliste. Hein, ah, il est génial, mon docteur, je l'adore. Hein. En plus, qu'est-ce qu'ils ont évolué, les généralistes hein. Non, mais c'est vrai, maintenant, ils nous auscultent par-dessus les habits. Hein. Ah, c'est vrai. Plus besoin de se foutre à Paul, hein. Alors, je sais pas si les médecins ou le matériel qui ont évolué, hein. Non, mais c'est bizarre, hein. On se les habille plus, on dit plus 33. Ah. Hein. Mais par contre, on dit toujours comme un joue-doigt. Non, mais c'est vrai, ça, on sait jamais ça, hein. Combien? 33? Bah, c'est le docteur qui dit 33 maintenant. C'est les malins, hein. Alors, moi, ce que j'aime chez mon docteur, c'est quand je vais le voir, c'est, allô, monsieur Panzani, ça va? Ben non, ça va pas, hein. Non, mais, ce qu'il y a de bien, par contre, c'est qu'il me pose beaucoup de questions pour vraiment bien cerner le problème, hein. Et l'autre fois, il me dit, mais, vous vous droguez pas, monsieur Panzani, hein. J'ai dit, non, quand même. J'ai dit, bon, quelques pétards de temps en temps. J'ai dit, soit le cannabis, ça rend pas accro, hein. Il dit, non, mais ça rend con. Alors, j'ai dit, là, docteur, vous devez parler à un client, hein. Mais dis, mais je dis pas ça pour vous, je dis pas ça pour vous, monsieur Panzani, mais je vous mets en garde. J'ai tellement de clients cons qui n'en prennent pas. Regardez encore aujourd'hui, j'ai les patients qui sont partis parce qu'ils voulaient pas attendre. Même les vieux, ils ont plus de patience. Ils ont que ça à foutre, mais non. Alors, j'ai dit, vous embêtez pas, vous avez qu'à faire comme chez McDo. Service au volant, hein. Non, mais c'est vrai. Consultation, drive, hein. Non, c'est vrai. Alors, non, calme-toi. Alors, alors les gens passent au premier guichet, ils vous disent ce qu'ils ont, hein, oui. Genre, je sais pas, angine, grippe au rayon, hein, n'importe quoi, hein. Ou alors le menu, hein. mal au ventre, nausée, renvoi. Bon, il paraît que c'est l'équivalent du menu Big Mac, hein. Voilà. Il paraît. Il paye. Ah oui, comme ça, il n'y a pas de surprise, hein. Et là, docteur, faut pas faire le sentiment, hein. Que du cash, hein. Clac, clac. Et pas de CMU ou de Tiki Restaurant, hein. Ouais. Ou alors le mec, oui, je suis malade, j'ai pas de sous. On s'en fout. Bah oui, on s'en fout. Hein, t'as raison. Mais sûr, hein. T'as raison. Merci. Il est venu en voiture, il n'a pas été beaucoup malade dessus, hein. Bon, deuxième guichet, tempéra. Deuxième guichet, tempéra. Ah, il manque la télé. Eh ouais, c'est un peu visuel. Donc, deuxième guichet, température, un thermomètre dans la bouche, c'est plus simple, hein. Brassard de tension. Et troisième guichet, les réflexes, hein. Un grand coup sur la tronche, hein. Sur l'apprentissage de bande de feignants. Non, mais. Tu as la vôtre. Non, alors, les médecins ont évolué, mais les maladies aussi, ils ont évolué, c'est vrai, hein. Mais il y en a même qu'on n'entend même plus parler, hein. C'est vrai, regardez, par exemple, l'appendicite. On n'entend plus parler, hein. C'est bizarre, hein. Et le ver solitaire. On n'a plus parlé, c'est bizarre. En plus, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir le ver solitaire. Ça fait maigrir. C'est vrai, c'est la seule maladie que j'aurais aimé avoir. Toi aussi. Non, qu'est-ce que j'ai eu comme maladie, moi? Oui, moi, j'ai eu la maladie des gestes inversés. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais je sais pas si vous êtes arrivé, vous, d'inverser les gestes. Non. Tout le temps. Hein? Non. Oui. Eh, de faire le contraire à ce que vous voulez faire, quoi. Hein, oui. Bon, par exemple, vous achetez un croissant. Oui, un exemple. Vous, exemple. Vous achetez un croissant, vous le sortez du sachet, vous jetez le croissant, vous gardez le sachet. Hein. Hein, oui. Non, moi, ça marche pas. Non, mais c'est trop tard. Le croissant, il est au fond du caniveau, tout pourri. Oui, hein. Et plus d'argent, et une faim. Et oui. Bah, tu bouffes le sachet. Oh, j'allais bouffer du papier, moi. Ah, mais je connaissais un mec, lui aussi, il avait le même problème que moi. Un soir, il a déshabillé sa femme, il a acheté d'or. Non, lui, c'est vrai, c'est pas pareil, il était conscient, hein. Et puis, c'est une autre maladie, ça, hein. Ah, ben, dernièrement, mon docteur, il m'a diagnostiqué une arthrose, hein. Et je sais que l'arthrose, c'est l'usure, on peut pas faire grand chose, quoi. Et je lui dis, et là, docteur, on peut plus rien faire, quoi. Il me dit, mais si on peut toujours faire quelque chose, c'est quand on est mort qu'on peut plus rien faire. Moi, je trouvais ça très beau, moi. Hein. Et très juste. Surtout de la part d'un docteur, quand même, hein. Alors, moi, je l'adore, mon docteur. D'ailleurs, je vais souvent le voir, hein. Un peu trop, selon la sécu, bien sûr, hein, qui m'a convoqué, hein. Monsieur Panzani, 25 consultations en juillet, 31 en août. Je crois plutôt que vous êtes hypochondriaque. Bon, je dis oui, mais hypochondriaque, c'est une maladie. Alors, d'autres découvertes sur le site internet de Marco, marcopanzani.com. Surveillez bien son site pour savoir s'il passe près de chez vous. Et voilà. Puis on attend avec impatience ton retour sur Paris quand même, qu'on aille aussi t'applaudir sur Paris. J'espère. Ben oui, avec grand plaisir. Et puis avec Frédéric, pourquoi pas des plateaux, bien sûr, en province. Vous nous appelez, on vient. Bon là, c'est une bonne nouvelle ça. Hein. Alors Marco, puisque nous en sommes aux épreuves. Oui. Puisque le médecin c'est quand même une épreuve. J'ai dans l'émission une épreuve qui s'intitule « Les grands moments ». On a choisi des grands moments de télévision. Ah. Dont je vous diffuse un petit extrait. Oui. But du jeu, à l'issue de ce grand moment, c'est de découvrir la suite, ce qui s'est réellement passé. Il y a quelques années, par exemple, Louis de Funès était dans une émission de télévision. Voici l'extrait. Comment je t'ai rencontré ? Non, j'étais chez Simon parce qu'il m'avait dit tu as beaucoup de talent, parce qu'au décès, je raconte des histoires, j'avais un talent, c'était formidable, je faisais un tabac. Mais quand je suis allé chez Simon, c'était tout à fait une autre paire de manches. Et là-bas... Alors, et là-bas, donc Louis de Funès est en train d'expliquer qu'il était au cours Simon et que voilà et que là-bas, bah il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé au cours Simon avec Louis de Funès? Qu'est-ce qui s'est passé ou quelle émission c'est? C'est qu'est-ce qui s'est qu'est-ce passé? Qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il raconte après? On lui a dit qu'il n'avait pas de talent et que c'était pas la peine, non? Ouais. Bah, il avait raison. Ah oui, c'est possible ça. Ah. Oui. Moi je dis que et là-bas on lui faisait jouer que des tragédies. Ah. C'est possible aussi. Alors, vous, c'est qu'il n'avait pas de talent et qu'il fallait qu'il arrête. Voilà. Et vous, ça serait... Ça va comme réponse. Ouais, ça va. Ouais. Qu'on lui faisait jouer que des tragédies. Mmh. Voici la réponse c'est avec c'est le Funès. C'est un bus. Mais quand je suis allé chez Simon, c'était tout à fait une autre paire de manches. Et là-bas, on n'était pas payé. Ah. Moi, j'avais une charge d'âme quand même. Il fallait... Alors, c'est pour ça que tu m'as pas vu. C'est pour ça que tu m'as pas vu. C'est pour ça que tu m'as pas vu longtemps. Mais il m'avait apprécié, il m'avait bien encouragé, je me rappelais de lui. Et voilà. Et oui, mais donc c'est que là-bas ils étaient pas payés. Bah, on a un point commun. Radis. Alors. Bienvenue au club alors. J'ai un autre grand moment à vous proposer qui était un passage mémorable de Serge Gainsbourg. Écoutez cet extrait. Je prends un billet de 500 balles. Ah, il a pris. Je veux dire, je suis taxé à 574%. Hein, je vais vous dire ce qui me reste. C'est bien, ça c'est illégal ce que je vais faire. C'est illégal, oui. C'est illégal. Je vais le faire. La prochaine fois que je réponds, ça. Tour, je vais le faire. Je serai au moins en régime. Voilà, je vais vous dire ce qui me reste. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner, hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres. Alors, il a brûlé le billet de 500 balles. Alors, il brûle, effectivement, dans l'extrait, il brûle un billet de 500 balles. Dans le journal télévisé. Dans le journal télévisé. Parce qu'eux, ils expliquaient ce qui lui restait. C'était pas au journal télévisé. Alors, déjà, c'était pas au journal télévisé. C'était à 7 sur 7 avec Jean Lanzé. Jean Lanzé ou Anne Sinclair? C'était Jean Lanzé. Ah ouais, c'était ça, d'accord. Ah ouais, c'était pas journal télévisé. Alors c'était 7 sur 7 Jean Lanzy. Et alors il brûle ce billet de 500 balles. Et là, alors qu'est-ce qui se passe à la... Il dit quelque chose quand même. Mais il dit que c'est illégal. Il dit que m'arrêterai à 76% puisque c'est à 74. Alors il l'a dit. Mais alors moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est que maintenant, donc le billet brûle, il arrive au bout et qu'est-ce qu'il dit? Bah il dit qu'il sait que c'est illégal ce qu'il fait. Mais ça, c'est ce qui me reste. Quand j'ai payé mes impôts, c'est ce qui me reste. Et il a dit j'emmerde. Donc ça, c'est ce que dit Bob. Ouais. Quand j'ai payé mes impôts, voilà ce qui me reste. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous pensez qu'il a raison? Il dit c'est pas pour les impôts. Ça se termine en disant il dit ça parce que ça c'est pas pour les impôts. C'est pas pour les pauvres. C'est pour. Alors bon, on va regarder. À 74%. Il faut quand même pas déconner. Hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres, hein, c'est pour le nucléaire et toutes les... Vous vous rendez compte que vous provoquez vos pognons? C'est mon pognon. C'est mon pognon, oui. Et c'est Frédéric qui a raison, puisqu'il dit qu'effectivement, et ça, c'est pas pour les pauvres. Dans quelques instants, par contre, un jeu qu'on ne foire jamais. Ah. Et celui-là, je sais que vous l'appréciez aussi. C'est le dernier mot. C'est juste après la pause et toujours avec Marco Panzani. On va se marrer avec Marco Panzani. Ouais. Alors, un jeu qui fonctionne bien dans l'émission, c'est le jeu de la main passe. Ah, la main passe. La main passe. Ah, parce que tu nous avais promis un nouveau jeu. Oui, en fait, j'ai pas eu le temps de le déposer cette semaine, donc je le ferai la semaine prochaine, le temps de le déposer pour pas se le faire piquer. Alors, la main passe, c'est un jeu assez facile. Oui. J'essaie de vous faire découvrir, je vais vous le dire d'ailleurs, je vais essayer de vous faire découvrir une personnalité. Il faut passer derrière Philippe et la main passe. Exactement. Une personnalité avec 10 secondes chacun. Ah. 10 secondes pour vous, où je vais vous donner des informations. Si vous avez une idée, vous me la donnez. Si vous n'avez pas d'idée, la main passe, 10 secondes pour l'équipe adverse, etc., etc. C'est la première équipe qui trouve, qui marque le point. Ah. Donc la personnalité, on va commencer avec l'équipe des Chitemi. Ah. Ouais, quand même. Tu es prêt, Marco? Ouais. Pour faire honneur à Marco Panzani, pour trouver cette personnalité. On peut parler en même temps? Oui, alors non, laissez-moi donner les 10 secondes. Oui, après nous on se concerte. Mais faut que t'attendes les 10 secondes. Oui, parce les 10 secondes pour avoir un maximum d'informations. À moins que vous soyez sûr de vous. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez me donner l'information tout de suite. Hein, enfin, la réponse tout de suite. Allez, vas-y. Maintenant, alors. Non, vas-y. Donc, pour 10 secondes, top. Je suis une écrivain, scénariste, réalisatrice et actrice française née le 3 août 1928 à Paris. Le début de ma carrière... 28, elle n'est pas toute jeune, chérie. 28, elle a 80. Mais là, on a 10 secondes à partir. Ah, les disques d'ondes, sont, on ne les a pas bien entendus. Alors, t'as une idée? Alors, une idée? Moi, je dirais Nadine Trintignant. Ce n'est pas elle. La main passe. J'ai compris. Attention, pour 10 secondes, et l'équipe des vieilles cagoles, top! Mon début de carrière internationale semble très prometteur car je fais la couverture de l'édition du 26 juin 1950 du magazine Life. Et j'obtiens mon premier grand succès. Bon. Ah, c'est 10 secondes. T'en as une de 82 ans là ? Elle vit toujours ? Je ne vous l'ai pas encore dit. Ah bah oui, parce que c'est ancien, j'ai plus. Elle est actrice et réalisatrice. Oui. Et écrivain. Et écrivaine. Alors, une réponse. Il faut y aller. C'est pas Françoise Dorin. Françoise Dorin. Oui. Françoise Dorin. Ce n'est pas elle. 10 secondes pour l'équipe des Chitemi. Top. J'obtiens mon premier grand succès avec le film Manon en 1949. Je tourne ensuite dans des films petit budget, La Rose Noire, aux côtés de Tyrone Power et Orson Welles. Alors là, honte sur toi si tu ne trouves pas, Fred. Hein. Ouh. Né en 1928, c'est plus ta génération. C'est plus ta génération, excuse-moi. Nous, on se marre. On rigole. On roule par terre. On ne peut pas savoir comme c'est drôle. Une réponse. Nous, on ne trouvera pas parce que ce n'est pas notre truc. Elle a tourné toi... avec Tyrone Power. J'espère que t'as ouf. Listez-leur. Pas de réponse. La main repasse. On ne sait pas la nationalité. Oh, elle doit être américaine. Ouais. Attention. Je vais te dire tout de suite. Top. Top. Après avoir épousé Sibrahim El Glaoui, le fils du pacha de Marrakech, j'abandonne mon métier d'actrice. Après l'indépendance du Maroc, je deviens écrivain pour enfants. Et oui, c'est Cécile Oubry. Bah oui. Oh là là là là, c'est ma voisine. J'ai connu son fils, le Mehdi. Oui, j'avais oui. Il était beau. J'avais oublié. Attends, j'ai une anecdote avec Mehdi. Non, il était beau. À l'époque, je faisais du cheval à Saint-Cyr. Et Mehdi était tout petit. Il avait, je sais pas, 7-8 ans. Il avait joué dans Belle et Il balançait des pétards par-dessus le mur pour effrayer les chevaux. C'était très, très drôle. Bon, enfin, le poids est quand même marqué pour les vieilles cagoles. Alors, maintenant, pour trouver un pays, nous allons commencer la partie suivante. Avec les vieilles cagoles. Vieilles cagoles. Saloperie. Tu vas me Les dix les 10 premières secondes. Prêt, Bob? Oh oui. Top. Je suis un état africain situé sur la côte orientale, entouré par l'Afrique du Sud, le Swaziland, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi et la Tanzanie. Je ne sais pas l'Ouganda. Hein, comment tu dis? L'Ouganda. Non, c'est pas par là, l'Ouganda. C'est pas loin. C'est pas loin, mais c'est pas par là. C'est vers l'est, là, quand même. Parce que Bob, c'était le Botswana. Non. Non. Non, j'ai pas cité le Botswana. C'est bon. Moi, je pense que c'est le Botswana. Oh bah si tu le dis, tu sais. Alors, Bob, on va dire le Botswana. Non. La main repasse. Top. Je suis une ancienne colonie portugaise, le deuxième pays lusophone par sa population et le troisième par sa superficie. Je suis membre de la langue portugaise. Bah oui, tu viens de le dire. Non. T'es membre de la langue portugaise? Oui, la communauté des pays de la langue portugaise. Oui. Alors il y a eu quoi? Il y a au hasard. Le Libéria, non? C'était pas le Libéria qui était portugais? Le Rwanda, non? Alors une réponse. Le Libéria. Non. La main repasse. Ah oui. Top. Je suis indépendant depuis le 25 juin 1975. De 76 à 92, une guerre civile sanglante a fait près d'un million de morts. Lutte politique interne, guérilla. Et le Tché était là-bas, oui. Alors vas-y. L'Ouganda. Voilà. Vous me dites l'Ouganda. C'est pas bon. Merde. La main repasse. Top. En 1995, je demande à entrer dans le Commonwealth alors que je n'ai jamais été administré par la Grande-Bretagne. Mes habitants s'appellent... Saloperie. Ah ben peut-être le Nigeria. Moi, je connais pas moi, tout ce qui est autour du Pérou, Venezuela. Ça, c'est un pays d'Afrique, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, Marco? Non, vas-y, au hasard, vas-y. J'avais dit quoi? Tu as dit le Liberia tout à l'heure, donc. Oui, tu as dit quoi là? Le Nigeria. Nigeria. Le Nigeria, et non, malheureusement. Ouais, mais là, c'est cadeau, là. Est-Africain. Ils en savent rien. Top! Mes habitants s'appellent. S'appellent par téléphone en composant le 0050. S'appellent les Mozambicains. Oh, bah. Ah, le Mozambique. Oh là là. Non mais. Tu aurais dû la réponse, c'est pareil. Regarde-moi ça. Délire. C'est une honte. C'est truqué. C'est truqué. T'as couché avec, salope. Donc. Le point est marqué pour l'équipe des vieilles cagoles. Yes. Ouais. Voilà, non, on n'applaudit pas. Alors, dans quelques instants, le vrai ou faux. Monsieur Bello, vous êtes un pauvre type. Pour savoir si les anecdotes de notre invité et des participants ici présents sont vraies ou fausses, il faut rester. On revient juste après la pause et toujours avec Marco Panzani. Ouais. Retour dans Vince Marais. Oh, hey, oh là là là là, l'arrivée de Maurice par surprise. Oh Maurice, bon, bah Maurice, attends, tu feras la bise au public après. On a cru que c'était bien. De Chavannes avec les cheveux blancs qui est rentré. Oh, il a sauté partout. Alors, regarde oui, Maurice, bah ça, oui. Marco Panzani. Ah, ah, tu fais la bise à Marco aussi. Hein, oh, là. Marco, hein. Ta femme va être contente, hein, ça y est. Hein. C'est dingue parce qu'il y avait quand même un équilibre de neurones et puis tout d'un seul coup ça va s'écrouler. Alors Maurice qui nous rejoint, qui s'installe, c'est vraiment par surprise, on savait pas qu'il était là. C'est bien la première fois qu'il nous prend par surprise. Tu pouvais rester chez toi chérie. C'est toujours aussi haut chez toi. Ça n'arrête plus les surprises puisque nous avons également Manu qui nous rejoint. Salut Manu. Alors, avant l'émission, certains participants m'ont confié un petit secret, vrai ou faux. Oui. Et alors justement, j'ai Bob ici présent qui, vous ne le savez peut-être pas, un jour est presque passé sur RTL. Ah. Enfin presque, on est passé sur RTL. Alors explique-nous. Enfin, Bob. En partie. Mmh. Ben, raconte-nous. On allait, on faisait une émission qui s'appelait Faites vos jeux à l'époque. Oula. Ouais, c'est. Jusque-là, c'est vrai. Ça se passait dans une pizzeria. Donc l'émission était réalisée dans la pizzeria. C'est ça. D'accord. Et il y avait un problème technique. Alors bon, moi, la technique, c'est pas mon fort. Ce que je sais, c'est qu'ils ont été mettre un réémetteur sur le toit, dans une chambre en haut complètement. Pour que les studios puissent capter. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour que ça soit quand même en. Mais c'est toi ou c'est lui direct. Qui raconte? Non, parce que pour que ça soit clair quand même. Bah jusque oui. Là, parce que moi, le truc technique, c'est Philippe qui connaît plus ça. Et le problème, c'est que donc on l'a appris après. Hein, oui. C'est que l'émetteur, il l'avait branché sur RTL. Donc il y a une partie des gens qui entendaient Faites vos jeux sur RTL. Enfin. Sur RTL, mais sur la même fréquence. Ouais. Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est nous qui commençons. Oui, c'est vous. Oui. Bah oui, c'est vous. Il faut dire oui ou non. Alors, vrai ou faux, à votre avis? Moi, je pense que c'est vrai, moi. Ah, Marco pense que c'est vrai. Ouais. Moi, je pense que c'est faux. Ah, Fred pense que c'est faux. Et Manu? Moi, ça fait 17 ans cette histoire. Et bah, tu y étais pas? Et j'y étais, ouais. Et je me souviens pas de ça tout à fait. Quoi. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Mais j'hésite. T'as qu'à dire peut-être. Mais avec tous les problèmes de fréquence, ça pourrait être possible. On n'a pas toute la nuit. Il faut nous c'est vrai, il faut le dire maintenant. Ah, oui, oui. Allez, on va dire vrai. Alors, vrai pour Manu qui était là aussi à l'époque. Donc. Alors, de votre côté, Boris. GG. Oui. Dis donc. Moi, je dirais que c'est faux. Moi aussi. Alors. Ah, il joue pas technique, GG. Il joue pas technique, GG. Alors, Bob, c'est vrai ou c'est faux? C'est en partie vrai, mais l'histoire de l'émetteur, c'est complètement faux. Eh oui. Alors, donc deux faux pour les vieilles cagoles, 2 points. Un faux pour les ch'timis, 1 point. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Alors, les ch'timis, justement, je voudrais dire quand même que Fred, ici présent, est aussi un très bon danseur de lambada. Oh là, en quelle année? Il avait mis sa... il avait mis sa petite jupette surtout. C'était non, alors l'anecdote. Très exactement. On l'appelle KO même. Eh ben, juste... tu crois pas c'est bien dit. T'as fini de rigoler toi. Hein. C'était donc en 1995. Je suis allé voir un concert à Paris au Palais des Congrès. L'animateur est parti. Hein, il est parti chercher. Donc je suis allé voir un concert au Palais des Congrès. J'ose à peine vous dire de qui était ce concert. Ben, c'était un concert de Dionne Warwick qui passait en concert avec Burt Bacharach à Paris au Palais des Congrès. Il faut quand même que tu dises, parce que les auditeurs qui ont tous moins de 50 ans qui nous écoutent, oui. Dionne Warwick, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse américaine. Et donc il y avait, elle n'était pas venue en France depuis 25 ans. Et donc il y avait de la VIP ce soir-là. Il y avait Eddie Barclay, il y avait plein de monde du showbiz, et il y avait la chanteuse de Kaoma, la chanteuse de la Lambada, voilà. Qui était, on attendait dans le hall, et qui était juste à côté de moi. Et à un moment, je vais pour m'appuyer sur le mur. Ça n'était pas un mur, c'était un rideau. J'ai manqué de me casser la gueule. Et c'est surtout que j'ai manqué d'entraîner la chanteuse de Kaoma avec moi. Parce que quand elle a vu que je tombais, elle a voulu me rattraper. Vous avez vu comment elle est fluette avec mon gabarit. Et puis toi, pareil. Et finalement, j'ai réussi à me rétablir. J'ai failli l'entraîner dans ma chute. Alors, c'est vrai ou c'est faux, Maurice? Avec Fred, on sait jamais. Ça fait longtemps? Ah ben, Maurice, on n'a pas le temps de poser c'était des questions. C'était en 1995. 95, il a dit. Ah oui. Ah oui, excuse-moi, j'arrive. moi, je dirais que c'est faux. Ah, Maurice dit que c'est faux. GG. On va jouer technique, là. Sur le coup. Ouais, vas-y. J'ai envie de dire que c'est faux aussi. Dans ton micro, juste. J'ai envie de dire que c'est faux aussi. Bon, alors, moi aussi, j'ai envie de dire que c'est faux, mais je vais dire que c'est vrai. Ah bah, t'as tort, Bob, si c'est faux, ça vous fait 3 points. Enfin, ils calculent, tu sais. Ah, oui, on s'en fout des points, on leur pisse dessus. Je vais dire que c'est vrai. Alors, Manu. C'était quel rideau d'abord? Je veux dire que c'est vrai. Mani, c'est vrai. Et Marco, tu penses que c'est vrai ou c'est faux cette histoire? À ton avis? C'est vrai. Et Marco pense que c'est vrai. Alors Fred, c'est vrai ou c'est faux? C'est totalement vrai. Ah. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Alors, j'ai 2 faux pour votre équipe, donc un seul point de marqué. 2 vrais de votre équipe, 2 points de marqué. Là, il va falloir rattraper le coup. Et je pense qu'on va pouvoir rattraper le coup grâce à GG qui a presque baisé le pape. Non, mais j'ai baisé l'anneau papal du pape Jean XXIII. Oula. Qu'ils ne peuvent pas connaître. Ça qui était, non, c'était à la basilique de Lisieux. Et si j'ai baisé l'anneau papa, c'est parce qu'à l'époque, moi, j'étais louveteau, enfant de cœur, louveteau, scout, parce que ma mère était très croyante et qu'elle vénérait Sainte Thérèse de Lisieux. Et donc, nous, les louveteaux de Saint-Germain-en-Laye, on avait le droit, on a été embrassés. Le pape qui te donne la bague, comme ça, enfin l'anneau papa. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, Fred? Faux. Marco. Faux. Oh là, vous jouez pas. Et Manu? Moi, je veux dire vrai, oui. Ah, Manu dit que c'est vrai, quand même. Il joue technique. Ah, il joue technique. Alors, Maurice. Moi, j'ai chanté à Lisieux. Bon, on s'en fout. On s'en fout, Thérèse. Et depuis, il te reste plus que Lisieux pour pleurer. Moi, je dirais que c'est faux. Ah, faux pour Maurice. Non, moi, je veux dire que c'est vrai. Eh bien, technique ou parce que tu y crois? Non, technique. parce que tu y crois pas, non. Ah, non, oh là là. C'est faux. Alors. C'est pas vrai. C'est faux. Oh là là. Alors, 2 faux, donc 2 points pour l'équipe des Ch'timis et un seul point pour les cagoles, les vieilles cagoles. Et heureusement, il nous reste la dernière anecdote, celle de Marco Panzani, ici présent, qui fait beaucoup de spectacles et qui, même quand il y a peu de monde, joue quand même. Oui, donc c'était un début de ma carrière, on va dire. Il n'y a pas très longtemps, sinon. Hein. Et donc, je jouais dans un tout petit théâtre, mon spectacle, pour la première année, quoi. Et ce jour-là, il y avait pratiquement personne, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une personne. Et donc, j'ai décidé de jouer quand même devant une personne. Donc, c'était très dur. C'était quelqu'un de ta famille? Même pas. Non, mais c'est vrai. Et donc, c'était personne, donc j'ai joué devant une personne. C'était l'ouvreuse. Non, soyez quand même. C'est déjà assez dur comme ça déjà. Et donc j'ai joué devant pendant une heure devant une personne et donc elle est restée donc elle est pas partie donc j'étais content. Hein. Et donc ça s'est bien passé donc et à la fin il s'est levé et il a fait ouh. Alors c'est vrai ou c'est faux, Bob? Ah j'y crois pas. J'y crois pas, je dis que c'est faux. Tu joues technique ou c'est... Non, j'ai... Faux, hein. Non, je dis que c'est faux. Ouais. GG. Non, c'est parce qu'il a trop de talent pour... Et Maurice? C'est faux. Oh là là. Là, vous avez pas du tout joué technique. Non, pas joué technique. Mais ça Manu. Va. Bah, moi, j'ai envie de dire que c'est vrai. Et puis, chapeau bas si c'est vrai. Ah. Et Fred? Moi, je dis que ça peut être vrai parce que des galères comme ça, il y en a... C'est plausible. Moi, je dis vrai. Vrai aussi. Alors, Marco, c'est vrai ou c'est faux? Bah, je remercie mes deux collègues d'avoir cru que c'était vrai. Moi, ça aurait pu être vrai. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ça aurait pu être vrai. Ça aurait pu. Parce qu'ils connaissent le métier, donc c'est vrai que ça aurait pu être vrai. Donc, oui, c'est vrai. C'est très dur. Hein. Hey, bah, j'ai joué devant trois personnes, dont une personne qui n'arrêtait pas de faire... Très agréable. Ça, c'est... Juste après la pause, le sketch de Marco Panzani, restez avec nous. Retour dans Vince Marais. Avec Marco Panzani. Ouais. Alors Marco, bien sûr, si vous tartine, hein. Si vous voulez, non, ouais. Il dit ça parce que Manu est en train de se tartiner du foie gras. Ils sont bons en tout cas. Sur le crâne. Voilà. Mais en vieux, la radio a gagné au loto, c'est pas possible. Mais l'année prochaine, c'est l'anniversaire de Maurice. Oh. T'es 82 ans, Maurice. On les fêtera quand même à la radio. Oui, il est 100 ans. Donc j'allais dire que si Marco Panzani, vous voulez en savoir plus sur Marco Panzani, oui. Il y a son site internet marcopanzani.com et il faut le surveiller parce que là-dessus vous avez toute l'actu, des extraits et puis savoir s'il joue bientôt chez vous. Voilà. Hein? Alors Marco, justement, t'as des bonnes adresses toi de pub pour aller boire un verre et tout ça, non ou pas? Ah oui, j'en connais un. Ah, alors j'en connais un super pub où ils ont un vin par contre, mais un vin alors. Bien sûr à consommer avec un bon fromage. Oh, je suis allé samedi soir, il y avait un monde. En plus, maintenant, avec l'interdiction de fumer dans les cafés, hein, il y avait plus de monde sur le trottoir que dans le bar. Ah, c'est vrai, hein. Alors, moi qui voulais acheter un café, justement, hein, finalement, je crois que je vais acheter un boulot au trottoir. Hein. Et pas de table, pas de chauffage, rien, que du trottoir. Hein. Non, mais ça marche, oh. Tous les samedis soirs, les trottoirs sont complets. Oh. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais, vous êtes d'accord avec moi? Non, par contre, en journée, ça peut être gênant. Hein. Ouais, on sait plus si c'est les secrétaires qui sont sortis fumer leur clope sur le trottoir ou si c'est les prostituées. Non, plusieurs fois, j'ai vu les mecs se faire gifler, moi. Moi aussi, d'ailleurs. Hein. Non, mais quelle idée de boire et de fumer sur un trottoir. Non, c'est vrai que je demande. Bon, encore ceux qui sont en groupe, tout ça, je comprends, hein, mais moi, je fume pas, je suis dehors. Hein, ouais. Ben oui, tous mes amis, ils fument. Je vais pas rester tout seul comme un con dans un café. Hein. Non, mais au restaurant, c'est pareil, au restaurant. Les gens, ils prennent leur entrée. Bon, reviens à fumer une clope, hein. Après, ils prennent le dessert. Bon, on vient fumer une clope. Toi, t'attends comme un con. Non, en plus, la chance qu'on a à Paris, c'est vrai, le choix de restaurant qu'on a à Paris, c'est incroyable, c'est vrai. Turc, grec, chinois, japonais, qu'est-ce qu'il y a italien, espagnol, il y en a. Hein. Mais par contre, des restos allemands, il n'y en a pas. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah, mais c'est vrai, vous avez jamais dit, tiens, ce soir, on mange allemand. Hein. Paris, c'est bien au niveau des restos, c'est pour l'ouverture. Hein. Oui, par exemple, un grec va ouvrir un restaurant, non, plutôt un turc va, un turc va ouvrir un restaurant grec, ouais, hein. Oui. Un grec peut très bien ouvrir une pizzeria, ouais. C'est vrai, hein. Mais par contre, les restaurants chinois, c'est les chinois, hein. Enfin, asiatique, quoi. Hein. Oui. Bah, l'autre fois, j'avais vu. Les japonais, c'est les chinois. Me coupe pas, s'il te plaît. Même Nicky m'a dit sketch, lui, hein. Non, c'est vrai, l'autre fois, j'avais vu un restaurant chinois, il y a marqué sur la devanture, changement de propriétaire. Ils auraient marqué changement de chinois, on aurait compris, hein. C'est vrai. J'ai jamais vu un restaurant chinois, un italien d'un restaurant chinois, moi. Hein. Si, en tant que client, d'accord, mais de l'affaire à des lèmes, je crois pas. Hein. Tandis qu'un chinois faire des pizzas, ça, c'est possible, ça. Hein. Non, mais c'est pour ça que Paris, c'est bien, c'est au niveau des restos, c'est pour la diversité. Hein. Bon, par contre, des fois, il faut faire attention, des fois, on a des surprises. Hein. Mais une fois, j'ai un ami à moi qui me dit « Oh, hier soir, on a mangé éthiopien. » J'ai dit « C'est génial, c'est original. Vous avez mangé quoi ? Ben rien. » Ben au moins, comme ça, t'es pas malade. Non, pour pas être déçu, il faut aller dans les grands restaurants, hein, les grands restaurants étoilés, c'est vrai. Hein. Bon, c'est cher, c'est vrai, mais il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Hein. Moi, je l'ai fait, c'est formidable. Hein. Bon, par contre, quand l'addition est arrivée, j'ai compris. Hein. Ah, tu comprends pourquoi c'est étoilé, hein. Ah, ils sont petits soins. Hein. Voilà, monsieur, tout va bien, je vous appelle un taxi. Non, non, non, non, non. Appelez-moi plutôt un métro. Hein. Le 9. Bah oui, le... Mais après, tu finis au resto du cœur. Oh, une femme un peu chère qui se justifie au resto du cœur dans une interview, elle disait ben oui, moi une fois que j'ai payé mon loyer, ben j'ai plus d'argent pour acheter à manger. C'est triste, hein. Alors que moi, une fois que j'ai acheté à manger, ben j'ai plus d'argent pour payer mon loyer. C'est un choix, hein. Allez, bon, si vous voulez continuer à vous marrer, le site internet de Marco Panzani, marcopanzani.com, pour toute l'actu, puis les extraits aussi. Voilà, et pour les demoiselles, et... je suis célibataire aussi, donc. Ah, t'es célibataire. Donc, je teste un peu votre émission, si voir si elle marche au niveau des rencontres. Ah, ben, pourquoi pas. Je voulais passer au sous-mythique, où je dis, non, mais ce soir, je vais là-bas, donc, je vais là. Ben, t'as vu le monde qu'il y a? J'ai vu, ouais. On sait jamais, tu peux peut-être repartir avec quelqu'un, hein. C'est nouveau. C'est un nouveau jeu. Alors, le principe est simple. Il faut trouver... Alors là, pour ce coup-là, il faut trouver une ville. Ah. Il faut trouver une ville. Et comment trouver une ville? Tout simplement avec des petits mots que j'ai inscrits sur des bouts de papier ici présents. Et il faut les gagner, ces petits mots. C'est pour ça que ça s'appelle la course aux mots. Les gagner avec une épreuve. Bob, oui. Je vais vous poser des questions. Ça sent le Guilux. Oui, il est mort. Bonsoir. Et c'est bien sûr l'équipe qui répondra bien aux questions, qui récupérera. Alors, Philippe, pour que ça soit bien clair, est-ce que tu peux nous réexpliquer le jeu en entier et correctement? Alors, c'est très simple. Oui. Bah, déjà, quand il commence comme ça, le but du jeu étant de trouver le nom d'une ville. Oui. Ça, on avait compris. Pour cela, j'ai sur des petits bouts de papier inscrits des indices. Voilà. Et il y en a 9-10 au total. D'accord. Et c'est à nous de faire Miss Marple. Voilà. Donc il faut gagner ces petits bouts de papier. Et pour cela, je vais vous poser des questions sur des monuments du monde. Oui. Les premiers à donner la bonne réponse gagneront le mot. C'est pour ça que ça s'appelle la course au mot. C'est un bâton rompu. Un bâton rompu. D'accord. Exactement. Et bien c'est parti. Bah on t'attend. Là. Quelle est la particularité du viaduc de Millau? Il a le tablier routier le plus haut du monde. Oui, le plus haut du monde. Le plus haut du monde. Le plus long du monde. Le plus large. Ou les deux? Les deux. Le plus large. Oui, les deux. Non, pas le. C'était le plus haut du monde. Oui, c'est pas plus long. Hein. Bah oui. À Londres, à l'origine, Big Ben était le surnom de la tour, de la cloche ou de l'horloge? De la cloche. Cloche. C'était de la cloche. Allez, un mot pour l'équipe. Ah. Le grand temple d'Abou Simbel a été construit sous la dynastie du pharaon Ramsès II de Mykérinos ou de Khéphren. Khéphren. Et vous me dites. Attends, j'ai pas entendu les. Ramsès II, Mykérinos ou Khéphren? Ramsès, bien sûr. Ramsès, oui. Voilà. C'est lui qui est la mosquée bleue est bâtie dans quelle ville? Istanbul. C'est correct. Mais attends, on n'a pas le temps de répondre. C'est pas Paris. Vous n'avez qu'à pas avoir Alzheimer. T'as pas le temps d'écouter. Au Pérou, les ruines célèbres de Machu Picchu étaient une cité maya, aztèque ou inca? Inca. Je connais pas les remplaçants. Vous avez dit en même moi. Temps, donc je vous le donne un mot chacun. Et on doit attendre combien de temps avant de dire le nom? Dès que vous avez la réponse. Ah ben on l'a. En Chine. Ah non. Il y a un autre à Maurice. Tu n'appelles pas Bob idiote, s'il te plaît. En Chine, la cité. On a trouvé, nous, hein. On a trouvé la ville, nous, déjà. Ah, oui, trouvé, oh. Ça fait déjà 10 minutes, quoi. Vous avez trouvé la ville? Bah oui. Et vous me dites? Deauville. Et c'est correct. Ouais. Ouais. Ouais. Avec 3. À Alors, comment vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez? Planche. Le premier mot, c'était planche. Calvados. Calvados. Mais il couche, il couche. Et cinéma. Voilà. Mais attends, et nous, on avait américain et barrière. Et bah... Alors, merci. Barrière. Moi, je le connais à La Baule. Bah, les casinos barrières. Je le connais à Deauville. On devrait choisir le mot qu'on veut. Alors, dans quelques instants, restez bien avec nous, car Maurice est en présent. Nous allons faire une maxi tournée de blagues. Et toujours... avec Marco Panzani et Maurice. Maurice, tu nous parleras de moi, qui je te dire, je parle. De personne. Ah, si, de E.T. l'extraterrestre. Mais ah, je l'ai dit tout à l'heure. Non, tu nous la prends en direct voilà. Devant Marco. Et puis peut-être un best-of de toutes tes blagues. Juste après la pause, reste avec nous. A tout de suite. Fuménis, oh là là, ça sera plus gros. On s'excuse hein, parce que en fait on a un petit problème, on ne sait pas quand on nous rend l'antenne et on vient de. Maurice a dit des bêtises avant. Non parce qu'on sait pas quand la lumière est allumée ou pas. Oui. Il n'y a pas que la lumière. Il n'y a pas que la lumière qui est allumée. Hein, moi je veux dire. Avec Marco Panzani. Bravo. Excuse-moi mais le réalisateur est devenu sourd. Ah oui. Tu devrais gueuler plus fort. En fait. Alors Marco, qui était déjà venu nous voir quelques mois, tu vois Marco, l'émission n'a pas changé. Non, si, en pire. Si, elle a évolué, ouais. Ce que je voulais dire à Marco, c'est que bon, qu'il est venu il y a quelques mois, et il avait vu l'émission, mais tu n'avais pas rencontré de visu Maurice, ici présent, et nos auditeurs qui nous écoutent, nombreux. Et oui. Ça fait peur. Hein. Ça fait plaisir, surtout Maurice s'en souvient pas. Donc, nos auditeurs attendent nombreux. La dernière tournée de blagues avec les blagues de Maurice. Ah, yes. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Je vous préviens, s'il la foire, je me casse. Ah non, non, non. Alors, Maurice, des nouvelles de notre ami E.T. E.T., E.T. va déjeuner, c'est ça. Alors, je t'en prie, adresse-toi quand même à notre invité qui te connaît. La connais pas, non, en non, plus. Non, non, non, s'il te plaît, non, non, sois gentil. Manu la connaît pas non plus. La connaît alors, pas. Vas-y. Ben, alors, vas-y. Il l'a entendu tout à l'heure. Non, non, il était parti aux toilettes. Il n'était pas là. Ouais, ben, direct, c'est mieux. Ah, oui. Alors. E.T. Non, il est à côté, mais présent, mais toi, n'offusque pas. Marco. Cher Marco. Alors, regarde-le aussi, parce que. Arrête. Non, oh merde, Philippe! Tu veux pas qu'il regarde ses notes en fait, c'est ça? Mais exactement! Mais ça, je le sais par cœur! Ah bah oui! Mais même alors, avec ses notes, il va se planter! Hein. Ne lui mettez pas la pression! Non, bien alors, sûr! Alors, cher Marco! Cher Marco! E.T. qui dîne chez sa mère. Chez sa mère. Il n'y a plus la 20th century. Ah oui, non, attends! Oh, oh Maurice! Oh, ah bah toi, tu. Enfoiré! E.T. qui dîne chez sa mère. Oui. Et sa mère lui dit, E.T. dit à sa mère. Mais ça, tu l'as déjà dit. Non, non, mais fais la correction. Ben, attendez. Non, mais excusez-moi. C'est mais normal qu'il faut qu'il commence. C'est un diesel. Pas... Non, voilà, c'est un diesel. Laissez-le finir sa blague. Alors, Maurice, reprends depuis le début. Moi, je reprends. Voilà. Cher Marco. C'est E.T. qui revient dîner chez sa mère. Cher Marco. Cher Marco. C'est E.T. qui revient encore dîner chez sa mère. À quelle heure? Il a faim. Hein il a faim. Il a plus faim. Ah, mais laissez le faire. Bon, Maurice, impose-toi un peu. Sois alors, c'est le bordel. Il revient encore. Sois un homme, merde. Tiens, merci pour le coup. Ça sera coupé au montage. Oui, oui, bah oui. Non. Heureusement. E.T. vient, cher Marco, E.T. vient dîner chez sa mère. Mmh. Et il lui dit, ils sont extraterrestres. Oh, moi, j'ai la maman araignée. Voilà. La maman araignée qui dit à son bébé, t'as bien mangé? Je te sers le dessert. Ah, c'est quoi le dessert? Et le dessert, c'est une mousse au chocolat. Une mousse. Voilà. Il est content de lui. Ah bah on a un pompier dans la salle, il est venu avec sa sirène, dis donc. C'est quoi une mousse? Philippe Bello est un orgasme. Ah, vois, Marco ne l'a pas compris. Moi j'ai pas compris. Moi non plus. Fais-la bien Maurice. Marco a pas compris, faut que tu la fasses correctement. Non mais Maurice, dépêche-toi franchement. C'est quoi une mousse, Maurice, tu regardes là, tu racontes ton histoire, ça fait 3 semaines que tu l'essayes, merde. Mais les auditeurs comprennent rien Maurice. Allez, moi c'est je pas me casse. Ouais, je t'en dirai une autre. Ah non, ça va. Ah non, deux blondes partent en forêt pour trouver un sapin de Noël. Au bout de 4 heures, elles reviennent très déçues. Peut-être, dit l'une, qu'on aurait dû chercher un sapin qui n'était pas décoré. Ah, ça, là, on a compris. Ça, là. Quelqu'un du Doliprane. La professeure. Sylvain, ta composition, mon chien, est exactement la même que ton frère. Tu as copié. Mais non, madame, on a le même chien. Rien compris. Non, attendez, les décodeurs, normal, les, Maurice. Les décodeurs pour comprendre les blagues de GG, Maurice et Bob sont en vente à la Fnac. Oh là là. Je suis mort. Non, sont en vente à la Fnac. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans mon honorable établissement. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre un caniche, un teckel et un yorkshire? La façon de le cuisiner. Voilà. Manu, spécialiste du foirage des blagues de ses collègues. Mais je la connaissais pas en plus. Hein. C'est un couple de jeunes mariés et le mec qui est assez macho, il dit à sa bonne femme, bon, chérie, maintenant on est mariés, donc je t'explique les règles de la maison. Bon, il faut que tu saches que je rentrerai à la maison si je veux et à l'heure que je veux. Je veux pas. Oui, tiens, je fais très bien. Je veux pas de gnien de chamaillerie gnien quand je reviens. Il faut que le repas soit prêt en une demi-heure si j'ai envie de bouffer. Aucune discussion si je m'en vais à la pêche, à la chasse ou boire un coup, voir un match avec les copains, c'est compris? Et la fille répond, mais pas de problème, mon chéri, c'est d'accord pour moi. Moi, j'ai juste une seule règle. Tous les soirs, il y aura du sexe à la maison, que tu sois là ou pas. Celle-là, tout le monde l'a comprise. Alors, Marco. Oh, je vais en tenter une. Hein. Bah, bon courage. Donc, c'est deux potes d'enfance qui se retrouvent dans la rue par hasard et ils ne s'étaient pas vus depuis 20 ans. Il dit, qu'est-ce que tu fais toi? Ben, moi, je suis informaticien. Et toi? Ben, moi, je suis magicien. Mais... Ah ouais, magicien, ben, c'est vrai que tu voulais faire ça. Là. Donc, ben, viens chez moi, j'habite juste là, on va boire un verre et je te ferai quelques tours de magie, si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, il monte chez lui, il boit un verre, deux verres, trois verres. Il dit, moi, maintenant, je te fais un tour de magie. Par contre, il faut que tu te déshabilles pour que je fasse un tour de magie, quoi. Donc, déshabille-toi, mais fais-moi confiance quand même, franchement. Ben, oui, ben, justement. Ben. Donc, il se déshabille et tout. Bon. Et donc, il me dit, par contre, baisse-toi, parce que pour ce tour de magie, il faut que tu te baisses, et donc, mais écoute, il va pas confiance. Mais oui, non, mais quand même, ça me gêne un peu, tu vois. Donc, il se baisse et tout, il se passe derrière lui, il dit, tu le sens, mon doigt, là, ben oui, je le sens, mais ben, regarde mes mains. Bon, Manu. La dernière. J'en fais une courte parce que. Oui. Oui. Ça sera la plus bonne. Ça sera compréhensible en plus. Ouais. Ah. Une mère dit à son garçon, n'oublie pas que nous sommes sur Terre pour travailler. Bon, alors moi, plus tard, je serai marin. Alors, j'ai donc une information de toute première importance à donner. Ce sont les scores de l'émission. Très important. Ah, très important, car nous avons chaque semaine des réclamations. De toute façon, c'est comme d'hab. Alors, je dois annoncer quand même que l'équipe de Frédéric Coster, les ch'tis, c'est ça, Marco Panzani et Manu, qui est arrivé en fin de l'émission, donc les ch'timis, ont ce soir marqué 7 points, ce qui est quand même pas mal du tout. Bravo. C'est bien. Ça veut dire, si nous cite en premier, ça veut dire qu'on a perdu. Mais l'équipe de GG, Bob du Club et Maurice arrivés sur le retour, vieilles cagoles ont encaissé 10 points. Ouais. Donc, événement. Bah, c'est normal, Maurice n'était pas là. Parce que je suis arrivé en retard. Donc vous avez gagné, Bob. Hein, et oui, bravo, Bob. Bravo, bravo à vous. Les meilleurs. Bravo à vous. Enfin, ils n'ont pas gagné sur le rire, parce que le rire, vous l'avez compris, c'est avec Marco Panzani qu'on va la voir dans son spectacle, son one man. Ben merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Eh ben avec plaisir, Marco. Donc on retrouve Marco sur son site internet marcopanzani.com et sur Facebook aussi, sur tous les trucs. Ah ben demandez-le comme ami. Demandez-moi comme ami. Voilà. Comment s'écrit Panzani? Et vous en verrez chier. Marco Panzani. Comme ça se prononce. Voilà. Ah d'accord. Mais on est déjà comme les pâtes. D'accord. Voilà, comme les pâtes, voilà. Exactement. On l'a jamais fait ça. Donc, vous aurez toutes les dates de ces spectacles et puis peut-être chez vous bientôt en province, Marco. Donc suivez-le sur internet, marco.com. Merci encore, Marco. Et merci. Bravo. On va remercier chaleureusement de sa, son aimable participation express, Manu, courte, ouais, courte, qui est venu parce qu'il avait entendu tout à l'heure qu'il y avait du champagne et du foie gras. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Frédéric Coster. Ah, oui, ouais, c'est sa dernière. Moi, je suis venu parce que j'ai le foie gras. Oui, en fait, il est venu pour se faire rincer. Voilà. Maurice. Allez-y, les filles. Ah, oh, Maurice, c'est pas grave. Te laisse, non, mais c'est pas laisse grave. Laisse siffler, tu reverras. Ils sont jaloux. Mais oui, ton succès. Ils sont jaloux de moi. On va remercier GG de sa participation. Bravo. Bob du club. Kevin pour la réalisation de cette émission. Oui. Et encore un anniversaire. Et Philippe Bello. L'émission sur Facebook, le groupe Facebook On va se marrer, oui. Sur iTunes pour avoir les podcasts de très l'émission bien. Et les anciennes émissions sur onvasemarrer.com. On vous a tout dit. Merci de votre patience. À la prochaine. Ouais. Au revoir.